بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 48 dans l'explication du livre de l'imam As-Sabuni rahimahullah, Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Et on est arrivé dans le chapitre au sujet de Al-Iman, Qawlun wa Amal. Al-Imanu Qawlun wa amalun yazid wa yanqus. Ça c'est l'aqida des salafs au sujet de la foi. C'est-à-dire que la foi est composée des actions et des paroles et elle augmente et diminue. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Donc cette définition-là, elle est très importante parce qu'elle distingue entre la position d'Ahl Sunnah et celle de ceux qui ont dévié au sujet de l'Iman parmi les sectes des garments et comme exemple Al-Murji'a en particulier parce que Al-Murji'a ils ont exclu les actions de la définition de la foi et parmi ceux qui ont dévié ou qui se sont égarés au sujet de la foi il y a l'autre extrême. L'extrême de ceux qui ont inclus les actions dans la foi, comme les gens de la sunna, mais qui l'ont affirmé d'une manière exagérée. C'est-à-dire qui ont affirmé que les actions font partie de la foi, mais d'une manière extrême. Donc on voit que la position des gens par rapport à la foi, il y a divergence ou il y a différence de position parmi les égarements, ceux qui ont dévié parce que ils sont tombés dans le laxisme et ils ont enlevé dans la définition de la foi. Donc ils ont exclu les actions. On les appelle al-murji'a. Eux, ils ont dit les actions ne font pas partie de la foi. Ça implique quoi? Ça implique que la foi, yani selon eux, n'importe qui peut prétendre l'avoir. Peu importe qu'est-ce qu'il fait comme péché et peu importe qu'est-ce qu'il ne fait pas comme obligation. Tout le monde peut prétendre d'avoir une foi parfaite et complète. Même s'il fait tous les péchés du monde et même s'il ne fait rien de qu'est-ce qui est obligatoire de l'islam, il dit « Ma foi, elle est comme celle des prophètes, comme les anges. » Et allez, je suis un croyant, un bon croyant, un bon musulman, peu importe qu'est-ce que je fais ou peu importe qu'est-ce que je fais pas. Et il ne croit pas que la foi augmente et diminue. Ça veut dire que pour eux, tout le monde a la même foi et que sa foi, elle n'augmente pas et ne diminue pas. Donc, peu importe ce qu'il fait, sa foi, elle va toujours rester la même. Et ça, c'est clair que c'est de l'égarement. Et une des raisons pourquoi comment ils ont dévié à ce sujet-là, c'est parce qu'ils ont interprété la définition de la foi dans la religion en se basant sur la langue seulement, c'est-à-dire sur la définition linguistique, et en se basant aussi sur la philosophie. Et l'autre extrême dans la question de la foi, c'est ceux qui ont exclu, non pas exclu, mais plutôt inclus les actions dans la foi, sauf qu'ils l'ont inclus de manière contraire à la sunna, contraire au Coran et à la sunna. C'est-à-dire que, par exemple, les Khawarij et les Mu'tazila, ils ont dit, oui, les actions font partie de la foi, sauf que si il manque l'action, ou s'il y a une faiblesse dans les actions, ou bien s'il y a un péché, eh bien, la foi, pour eux, elle ne diminue pas et elle n'augmente pas. Comme les Murji'a, sauf que eux ils disent, si tu fais un péché, elle disparaît au complet. Les Murji'a, eux, ils disent, même si tu fais des péchés, ça ne va pas faire diminuer ta foi, elle reste complète. Et les Khawarij, eux, ils disent, si tu fais un péché, eh bien, ça enlève complètement ta foi. Il n'en reste plus. Donc, vous voyez la différence entre les Khawarij et les Murji'a et la position d'Ahl Sunnah. La position de Ahl Sunnah wal Jama'a et des Salaf au sujet de la foi, c'est entre ces deux extrêmes. On ne dit pas que yani, la foi elle ne comprend pas les actions. Donc les actions font partie de la foi. Et donc, par conséquent, les actions augmentent, la foi augmente et diminue selon les actions. Mais en même temps, si les actions diminuent ou bien s'il y a des péchés qui sont commis, on ne va pas dire que la foi, elle disparaît complètement. On va dire quoi? On va dire que la foi, elle diminue, mais que la base de la foi, elle reste toujours présente. Hein? Donc, on va dire de la personne qui commet des péchés, qu'il est croyant, mais que sa foi est faible. Hein? Qu'il est croyant, mais que sa foi est faible. Donc, on ne l'exclut pas ou on ne le fait pas sortir complètement de la foi parce qu'il a des péchés. Tandis que les Khawarij, eux, si quelqu'un commet des grands péchés, ils considèrent qu'il est kafir. Ils considèrent qu'il est kafir, mécréant, qu'il est sorti de l'islam. Et ils considèrent non seulement ça, mais qu'en même temps, son sang, c'est-à-dire ils ont le droit de le tuer, et ses biens, c'est-à-dire ils ont le droit de prendre tout ce qui lui appartient, parce qu'il devient, selon eux, un kafir, un murtad. Et ils considèrent également que sa femme, elle n'est plus licite pour lui, et qu'il ne va pas être enterré dans le cimetière des musulmans, qu'il ne va pas être lavé s'il est mort, qu'on ne va pas faire la janaza sur lui. Eux, les Khawarij, ils disent ça. C'est-à-dire, les Khawarij, si quelqu'un fait un grand péché, il devient kafir pour eux. Il ne va pas être considéré musulman. Il est considéré comme s'il est sorti de l'islam. Et en plus, ils considèrent que s'il meurt dans l'au-delà, il va être en enfer pour l'éternité. Hein, parce qu'il a commis un péché. Malgré qu'il était mu'min, malgré qu'il avait la foi en réalité. Mais eux, les Khawarij, c'est des extrémistes. Donc ils font sortir de l'islam quelqu'un pour quelque chose qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est ça le danger de l'égarement et de la bid'a. Non. Le Khawarij, ce n'est pas des chiites. Malgré que les Shia, ils ont des caractéristiques des Khawarij. À l'époque de Ali, radiallahu anhu, ils se sont manifestés, mais ils ne se limitent pas uniquement à cette catégorie, à ce groupe de Khawarij. C'est ça. Non. Khawarij, c'est un groupe différent de celui des Shia. Parce que les Khawarij, les premiers qui sont apparus à l'époque des Sahaba. Et ils ont tué Uthman, ils ont tué Ali, ils l'ont assassiné. C'est les Khawarij qui l'ont tué aussi, Ali. Les Khawarij, ils existent tout le temps. C'est-à-dire, il y a toujours des groupes de Khawarij qui apparaissent à travers les époques. Dans les différents pays. Naam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, chaque fois qu'on coupe une de leurs cornes, elle repousse. Ça veut dire que chaque fois qu'ils disparaissent, ils réapparaissent après. Et à notre époque, il y a plusieurs groupes qui sont apparus des Khawarij, ou qui ont des tendances des Khawarij. Et parmi ces groupes-là, on a vu dernièrement Daesh. Daesh. On a vu aussi Al-Qaïda. Ils font partie aussi des Khawarij. Ils font takfir des musulmans. Ils font takfir. Ils déclarent kuffar les musulmans. Ils déclarent kuffar les dirigeants, les pays musulmans. Ils déclarent kuffar yani les ulama de l'islam. Parce qu'ils disent les ulama, c'est des munafiqoun. Parce qu'ils aident les hukam. Donc ils sont avec les hukam, donc c'est des kuffar. Tout le monde qui ne fait pas le takfir des hukam, c'est un kafir. Donc les Khawarij. Comment tu vas les reconnaître? Quand ils viennent te voir et te demandent, qu'est-ce que tu dis de telle personne? Qu'est-ce que tu dis de tel roi? Qu'est-ce que tu dis de tel président? Qu'est-ce que tu dis de tel dirigeant? Si tu ne dis pas qu'il est kafir, il te dit t'es kafir. Ou même si tu hésites, tu dis non, non, moi je ne peux pas dire ça. A'ouzou billah, je ne fais pas le takfir des musulmans. Il te dit, anta kafir, khalas, anta mithlahu, anta kafir mithlahu. Donc c'est comme ça c'est ça leur logique. tu déclares pas mécréant, le mécréant selon eux, alors tu es un kafir comme eux. Pour eux, les dirigeants sont tous des tarous. Oui, tous, sans exception. Alors ça veut dire, regardez, à notre époque, hein, ils disent ça de tous les dirigeants qui existent actuellement. Et ils disent, c'est pas la même chose à l'époque des sahaba, à l'époque des tabi'in, des tabi'in, et des salaf et des khulafa. Il y avait des khawarij, et eux aussi faisaient le takfir des dirigeants à cette époque-là. Comme ils ont fait le takfir de Ali, radiyallahu anhu, ils ont dit, Ali, il est kafir. Est-ce que Ali, il appliquait la sharia? Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Hal kana yahkum bil sharia? Oui. Bien sûr qu'il appliquait la charia. Exactement. Donc Ali radiallahu anhu, non seulement il applique la charia, mais il fait partie des plus grands ulama de cette umma. Et eux, malgré ça, ils l'ont déclaré kafir, et ils ont considéré qu'il fallait le combattre, et que de combattre Ali et les sahaba, c'est un djihad fi sabilillah. Et ils considèrent que de tuer les sahaba, hein, c'est une hasana. Ça te fait rentrer au paradis. C'est-à-dire, tu tues les sahaba, tu rentres au paradis. C'est ça leur aqida. Parce qu'ils disent que les sahaba, ceux-là, sont des kuffars. Vous voyez l'égarement, comment ça peut éloigner quelqu'un de la vérité? Au point de combattre les awliya d'Allah, ils pensent que ce sont des kuffars. Bon, ça, c'est une autre... Non, ça, c'est une autre situation. Ça, c'est une autre situation. Et c'était, en tout cas, on ne peut pas rentrer dans tous les détails des questions historiques, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, parce qu'il y a eu des... Non, c'est-à-dire que dans l'affrontement qu'il y a eu à Al-Jamal ou Al-Saffin, il y a eu de la fitna. Il y a eu de la fitna. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui se sont produites, et certains parmi les sahaba, ils avaient fait l'ijtihad, mais ils n'ont pas fait le takfir. Hein? Donc ce n'est pas la même chose. Les conflits qui est arrivé entre les sahaba, ça c'était une question d'ijtihad, mais les khawarij, c'est différent. Parce que les khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde contre eux. Il a dit « Ça yakhruju min di'ihada » à propos de Dhul-Khuwaysira. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a divisé le butin, hein, et c'était après Fath Makkah, après la conquête de la Mecque, il a divisé le butin et il a donné à certains des gens de Quraysh, certains qui n'étaient même pas musulmans, mais il leur a donné de l'or, il leur a donné des biens. Hein. Alors certains parmi les gens n'étaient pas contents de ça. Et certains considéraient qu'il méritait plus d'obtenir du butin, de l'ranima, que ceux-là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué. Il leur a dit, moi, je leur donne pour les rapprocher à l'islam. Et effectivement, ils se sont tous convertis par la suite. Et Allah, azza wa jal, il a mentionné même dans le Coran que c'est permis de donner... Hein, de la zakat à ceux parmi les non-musulmans qui sont proches de l'islam ou qui veulent se convertir pour attirer leur cœur, pour rapprocher leur cœur. Donc il n'y a rien de mal dans ça. Mais il y a un d'entre les khawarij, un des munafiqin qui s'est approché et qui a dit « Oh Muhammad, ça c'est une distribution des biens qui n'est pas faite pour le visage d'Allah. » Ça, il a dit... Il a dit, crains Allah. Hein? Il a dit, ittaqillah, ya Muhammad. I'dil, sois juste. Fa innaka lam ta'dil. Parce que tu n'as pas été juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, waylak. Hein? Si moi, je me préserve pas d'Allah, qui va se préserver d'Allah après moi? Allah azza wa jal, il m'a fait confiance pour la transmission de son message. Alors qu'il est dans les cieux, il m'a fait confiance pour transmettre son message. Est-ce que toi, tu ne vas pas me faire confiance? Hein? Il a dit, « Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama » Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a dit ça, il a dit Sayakhruju min di'i hadha rajulun aw rijal. Yani tahqiruna salatahum ma'a salatihim wa siyamahum ma'a siyamihim wa qira'atahum ma'a qiyamihim. يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ أَوْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de cet homme-là, il va découler des gens qui vont apparaître. Ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont réciter le Coran plus que vous. Il a dit, vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière, et votre jeûne à côté de leur jeûne, et votre récitation du Coran à côté de leur récitation du Coran. Ça veut dire qu'ils vont prier plus, et jeûner plus, et lire le Coran plus que vous. Mais quand ils récitent le Coran, ça ne dépasse pas la gorge. Ça ne va pas dans leur cœur. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'ilm, parce que ce sont des ignorants. Et il les a décrits en disant « Ahdathul asnan, sufaha'ul ahlam, yaquluna min khayr qawlil bariya. » C'est-à-dire, c'est des jeunes et des faibles d'esprit. Et il dit, yani, ils vont sortir de l'islam aussi vite qu'ils sont rentrés, comme la flèche. La flèche, quand elle frappe la cible, tellement elle passe rapidement qu'elle traverse la cible au complet. Elle traverse l'animal au complet. Quand elle traverse l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit. Il a dit, quand la flèche, tu l'attrapes, elle sort à travers l'animal. L'autre côté, quand tu l'attrapes, tu regardes la flèche, il n'y a aucune trace. Aucune trace de sang sur la flèche. Ni sur la pointe, ni sur yani, le bout en arrière, rien. Ça veut dire qu'il est passé à travers, comme s'il n'était jamais dedans. En voulant dire, ils sont rentrés dans l'islam, ils sont sortis de l'islam comme ils étaient avant d'entrer. Et il a dit, « Law laqaytumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun indallahi liman qatalahum yawm al-qiyama. » Naam. Et il a dit, hum sharrul khalqi wal khaliqa. Il a dit, combattez-les, car il y a une récompense pour ceux qui les combattent au jour de la résurrection. Touba liman qatalahum ou qataluhu. Il dit, annoncez la nouvelle du paradis pour celui qui les tue ou qui se fait tuer par eux. Et il a dit aussi, yani, ils sont les pires des créatures. Et même dans un hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits comme étant kilabu ahlin nar. Kilabu ahlin nar, les chiens de l'enfer, les khawarij. Comment il les a décrits? Et il a mentionné, il dit, ils disent les meilleures paroles du monde. Yaquluna min khayri qawlil bariyah. Ils disent les meilleures paroles du monde, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils disent. Quand Ali radiallahu anhu est sorti, quand ils sont sortis contre Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, ils ont dit la hakima illa Allah, la hukma illa lillah. C'est la vérité, c'est la parole d'Allah. Il n'y a pas de juge excepté Allah. Il n'y a pas de jugement excepté le jugement d'Allah. C'est le haq. Mais Ali radiallahu anhu, il a dit kalimatu haq aradu biha al-batil. C'est une parole vraie, mais eux, ils ont voulu le faux dans son interprétation. Ils ont voulu faire le takfir de ceux qui, selon eux, ne jugent pas selon la loi d'Allah. Yu'til hikmata man yasha. Oui, mais aussi Allah il dit dans le Coran, wa anihkum baynahum bima anzal Allah. Yani Allah il nous ordonne de juger. Allah il dit fahkum baynahum bima anzal Allah. Et il dit dans d'autres versets, yani, فحكم من أهله وحكم من أهلها يحكم به ذوي عدل منكم. Donc Allah Azza wa Jal, il a permis dans certaines situations qu'on prenne des juges ou des arbitres pour régler entre des problèmes entre les hommes, comme le cas d'un homme qui a des problèmes avec sa femme. On va prendre un juge de sa famille, un juge de la famille de l'homme, et ils vont essayer de faire la réconciliation. Aussi, lorsque quelqu'un a chassé dans le haram à Mecca et qu'il a chassé un animal, parce qu'on n'a pas le droit de chasser en état d'ihram. Donc, un juge va juger pour trancher, pour savoir la valeur de ce qu'il a chassé et qu'est-ce qu'il a à payer comme compensation. Donc ça, c'est un exemple aussi où on doit prendre un juge. Et il n'y a rien de contraire à l'islam. Et ça fait partie justement des arguments que Abdullah ibn Abbas avait mentionnés aux Khawarij lorsqu'il est parti débattre avec eux. Il est parti débattre avec les Khawarij. Et il a ramené avec lui 4000 de ceux qui étaient avec les Khawarij. Il est parti argumenter avec eux pour les ramener à la sunna. Il y en a 4000 qui sont revenus, 2000 qui sont restés. Et Ali radiallahu anhu, il les a combattus, ils sont tous morts. Excepté peut-être 2 ou 3 qui sont enfuis. Donc c'est pour dire, yani, comment les Khawarij sont dangereux. Et ces gens-là, ils continuent, comme je dis, jusqu'à aujourd'hui. Al-Qaïda, Daesh, Jama'atul Jihad. Il y avait aussi Boko Haram en Afrique. Et il y a aussi le GIA en Algérie. Il y avait un groupe qui s'appelait le GIA, Groupe Islamique Armé. Ouais. Il y avait aussi l'autre là, Al-Ikhwan, les frères musulmans. Ils ont été la source de beaucoup de groupes de Khawarij qui sont venus par la suite avec les idéologies de Sayyid Qutb. Parce que Sayyid Qutb, il a fait beaucoup de takfir des musulmans et des sociétés musulmanes. Et il déclarait kuffar les pays musulmans. Hein? Et aussi le fils en Algérie. Tu as connu l'époque du fils, probablement. Et avec Ali Ben Hajj. Et yani, tous ceux qui ont fait cette histoire, il y avait beaucoup. Après, qu'est-ce qui est arrivé après les élections? Ils ont arrêté beaucoup de gens. Après, ils ont commencé à pencher dans le takfir. Et à faire le takfir, yani. Parce qu'il y avait beaucoup de mulhidoun et de gens qui appelaient au kufr en Algérie. Et yani, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient parmi les exemples de qu'est-ce qu'ils faisaient, le fils, ils envoyaient des lettres de takfir aux gens pour leur dire. Comme si on voulait dire, tu as fait une ridda, tu es un kafir, et des choses comme ça. Mais ça, ce n'est pas permis de... C'est-à-dire que même si la personne, elle a fait le kufr, puis elle est devenue kafir, puis elle a fait une ridda, mais ce n'est pas la responsabilité des gens parmi les musulmans d'appliquer le verdict ou la punition de la ridda sur des individus. Ça, c'est seulement le hakim, le alim, le hakim d'Aula. C'est lui qui a le droit et l'autorité de faire appliquer ces règles-là. Mais que des partis politiques se donnent le droit de faire ce genre de choses, ça va créer de la fitna, ça va faire le fawd. Ah, tu vois, ça c'est... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, ben c'est ça. Non, ben c'est exactement des exemples comme ça. Et si tu l'as vécu, toi, ben c'est comme ça. Il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des gens, eux, ils vont te dire. Je me rappelle parce que j'en ai rencontré beaucoup qui avaient cette mentalité-là à l'époque. Et il te demande, qu'est-ce que tu penses de tel, ou tu travailles avec tel, ou tu es d'accord avec tel, ça veut dire, ah, toi tu es avec le tarot, tu es un kafir. Et alors que toi tu sais rien de ça. Hein? Puis il y a beaucoup d'exemples qui avaient... A'oudou billah. Non, mais c'est vrai, c'est grave. C'est très, très grave. Non, non, mais c'est ça. Même les policiers, des gens qui sont dans la police ou qui sont dans l'armée, aussitôt tu travailles dans la police ou dans l'armée ou quoi, ça y est, ah, t'es un kafir, tu travailles avec le taghout. Donc, Nasrallah al-Afiyah, tout ça c'est des fitan, et c'est pour ça que c'est dangereux. La voie des Khawarij, tout ce qui arrive à notre époque, depuis le 11 septembre, les attentats terroristes et toutes ces choses-là, ça n'a fait que causer des problèmes à la Ummah, et en particulier, ça a mis des obstacles dans le chemin de la da'wah. Même si les kuffars aussi, ils manipulent ça et ils utilisent ça pour justifier la répression qu'ils font contre l'islam et les musulmans, mais il y a des groupes parmi les musulmans qui croient réellement que ces choses-là sont correctes et que ça fait partie de l'islam, nasallallahu al-afiyah. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux, il faut faire attention et avertir les gens du danger de ces croyances-là. Donc le cheikh ici, il explique, il dit al-khilafu asluhu baynana wa bayna al-khawarij fi takfiri murtakib al-kabira. Al-khawarij yaqulun kafara wa kharaja min al-islam. Wa nahnu naqul la yakhruju mahma aznaba ما دام لم يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني زنا وسرق وقتل و إلى آخره ولكن يعتقد حرمة هذه الأشياء فهذا ينقص إيمانه حتى لا يبقى معه إلا مثقال ذرة وقد يحصل لبعض الناس أن يخرج من الإسلام ويرتد وقد يحصل لكن ليست قاعدة مضطردة في جميع الناس وهم كأنهم يريدون قاعدة مضطردة أي أن كل من نقص إيمانه خرج من الإيمان يعني خبث وهذا مذهب الخوارج. Donc ici le cheikh dit la différence à la base entre nous et les khawarij, c'est au sujet du fait de déclarer mécréant celui qui commet un grand péché parmi les grands péchés. Les Khawarij disent qu'il est mécréant et qu'il sort de l'islam. Tandis que nous, c'est-à-dire les gens de la Sunna, nous disons qu'il ne sort pas de l'islam tant qu'il n'a pas commis du shirk. C'est-à-dire qu'il peut avoir fait n'importe quel péché parmi les péchés, mais il ne sort pas de l'islam tant qu'il n'a pas commis de shirk avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Puisque Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nisa, verset 48, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Donc ça veut dire que si la personne a fait le zina, ou il a volé, ou il a tué, ou il a fait d'autres personnes comme ça, d'autres péchés comme ça, hein, mais il croit que ces péchés-là, c'est haram de les faire. Il les a faits, mais il croit que c'est haram. Hein? Il se sent peut-être même mal de quand il a commis ses péchés, il a honte en lui-même. Ou il sent du remords en lui-même. Peut-être il va se repentir. Hein? Peut-être que non, mais il a commis ce péché en sachant que ça c'est interdit par Allah. Et par conséquent, on ne peut pas dire qu'il est kafir. On dit que sa foi, elle diminue à cause de ça. Et peut-être même qu'il ne va pas lui rester rien d'autre qu'une atome de foi. Mais cette atome de foi qui lui reste va le sauver de l'enfer éternel. Hein? Et donc, il dit c'est possible que certaines personnes, à cause du fait qu'ils ont commis trop de grands péchés, ils vont peut-être sortir de l'islam ou apostasier. Mais ce n'est pas une règle générale pour tout le monde. Eux, les Khawarij, ils veulent en faire une règle générale pour tout le monde. En disant que toute personne dont la foi a diminué sort de la foi. Et donc, il dit ça, c'est mauvais. Et ça, c'est la voie des Khawarij, de croire que tous ceux qui commettent un grand péché deviennent mécréants. Et donc, le cheikh, il dit الشاهد أن هذا المذهب الخبيث أنشئ لحرب أهل السنة وإسقاط علمائهم وتشويه منهجهم ومخالفته في كثير من القضايا. Donc le cheikh il dit, en parlant des haddadiyya, qui sont des khawarij en réalité, il dit que ces gens-là, cette voie-là, elle a été fondée pour faire la guerre aux gens de la sunna. Et pour essayer de faire tomber les ulama de la sunna. Et pour essayer de faire paraître mal leur méthodologie. Et pour les contredire dans beaucoup d'entre les questions qui ont rapport avec la foi. Donc ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi, il explique? C'est la réalité parce que aujourd'hui, beaucoup de malheurs qui arrivent aux gens de la sunna, ils sont accusés parfois des égarements que font certains d'entre ces gens-là, parmi les khawarij ou parmi les haddadiyya. Les gens accusent les salafiyoun et les gens de la sunna de ces choses-là, alors qu'ils sont innocents. Regardez par exemple, lorsqu'il y a un attentat dans un pays quelconque, et que eux, dans les médias, on entend, ils commencent à pointer du doigt qui? Les salafiyoun. Et ils disent, ce sont les salafistes qui font ça. Et ils essaient même de confondre les gens ou de mélanger les gens en disant, il y a différentes catégories de salafis. Il y a les salafis djihadistes, les salafis politiques, les salafis quiétistes. Et là, ils divisent les gens, ils divisent les salafis en différents groupes pour essayer de faire comprendre qu'il y a une catégorie parmi eux qui sont effectivement des terroristes. Alors que les salafs n'ont jamais divisé la salafia en ce nombre, en ce genre de différentes catégories-là. Et c'est vrai que les salafs, à l'époque des sahaba et des tabi'in et des imams de l'islam, les salafs, ils ont fait le djihad, fi sabilillah. Ils ont combattu avec le messager d'Allah. Les sahaba, ils ont combattu avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait le djihad contre les kuffar et les mushrikin. Et les tabi'in, et les tabi'in, et ainsi de suite. Pendant des générations, les musulmans ont combattu et ont fait le djihad, fi sabilillah. À l'époque même, jusqu'à l'Empire ottoman, ils ont même conquis presque une partie de l'Europe, les Balkans. Tout ça, ça appartenait aux musulmans. Donc tout ça, c'est de l'Espagne jusqu'à presque la Chine. Les musulmans sont arrivés là-bas. Donc ça, c'était avec quoi? C'était avec le djihad. 800 ans. 800 ans en Espagne. Et ça, c'est pas par le terrorisme, c'est par le djihad, fi sabilillah. Non, ils n'ont pas tué la population. Non. Et le but du djihad, c'est pas de tuer les gens. Le but du djihad, c'est d'éliminer les empêchements ou les barrières qui bloquent le chemin aux gens pour apprendre et connaître l'islam. Une fois qu'on a éliminé les choses qui empêchent aux gens de connaître le message de l'islam, le reste, la population, on leur fait la da'wa, on les appelle, on établit la da'wa pour que les gens puissent entendre le message de l'islam. Et s'ils veulent se convertir, ils vont se convertir. Exactement. Et même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Médine, il a appelé les gens à l'islam, il est rentré à Médine après quand il y a eu la conquête de la Mecque et qu'il est retourné à Mecca, il n'a pas tué les habitants de Mecca. Il n'est pas venu pour se venger, pour dire tout ce que vous nous avez fait pendant toutes ces années, que vous nous avez expulsés, torturés, et moqués, et combattus. Là, aujourd'hui, on revient, on va se venger, on va tuer tout le monde, non? Il a dit, « Ya ahlu makka antumu tolaqa, vous êtes libérés. » Ils se sont tous convertis à l'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne les a pas tués. Ça, c'est pour te montrer comment l'islam, c'est la religion de la miséricorde et de la rahma. Mais eux, ils essaient de déformer les choses aujourd'hui parce qu'ils n'ont rien compris. Et la plupart de ces gens-là, justement, des khawarij actuellement, ce sont des juhal, des ignorants. Hein? Allah al-musta'an. Et donc, ici, le cheikh, il explique et il dit que ces gens-là, ils essaient de faire la guerre aux gens de la sunna. Et ils veulent essayer de faire tomber les ulama, de salir l'image du manhaj, hein, des salafs, et contredire dans beaucoup de questions. Après, le cheikh, il dit ويقولون أئمة الجرح والتعديل ليسوا أهلا للتبديع لأنه لا يبدع إلا العلماء المحيطين بالشريعة طيب هم الآن يبدعون فهذا يعني أنهم يرون أنفسهم أكبر من أحمد بن حنبل والبخاري والثوري والأوزاعي وأئمة الإسلام من أئمة الجرح والتعديل لأنهم هم يبدعون ويكفرون ويرون أن أئمة الإسلام وأئمة الجرح والتعديل ليسوا أكفاء ولم يبلغوا المنزلة التي تخول لهم أن يبدعوا الناس فأي إهانة لأهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل مثل هذه الإهانة لا أخطر من هذا المنهج ولا أخبث منه فافهموا هذا بارك الله فيكم. Donc ici, le cheikh, il dit, eux, ces gens-là, ils disent que les imams du Jarh al-Ta'dil, ils ne sont pas aptes à faire le tabdi', c'est-à-dire à déclarer innovateur des gens. Ils disent parce que déclarer innovateur, c'est seulement pour les ulama qui ont une connaissance qui enveloppe la charia en entier, c'est-à-dire des gens qui connaissent toute la charia. Et donc le cheikh, il dit, ok, d'accord, si c'est le cas, comment ça se fait que eux, ils se permettent de faire le tabdi' aujourd'hui? Ils se permettent de déclarer innovateur des gens. Ça veut dire qu'ils se considèrent plus importants et plus savants que Ahmad ibn Hanbal et que l'imam al-Bukhari et que l'imam al-Thawri et al-Awza'i et les imams de l'islam et les imams de al-Jarh wa al-Ta'dil. Vous savez qu'est-ce que c'est al-Jarh wa al-Ta'dil? Al-Jarh wa al-Ta'dil, c'est une science qui fait partie des sciences du hadith, par lesquelles les ulama du hadith peuvent distinguer entre les différents narrateurs qui rapportent les hadiths pour savoir duquel on peut prendre et duquel on ne peut pas prendre, pour savoir lequel respecte les conditions des narrateurs fiables et des narrateurs qui ne sont pas fiables. Pour éviter justement et pour protéger la sunna, pour éviter que des gens se permettent d'inventer ou de rajouter dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont établi des principes et des règles pour établir qui sont aptes à être des gens de qui on peut prendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne sont pas aptes à transmettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les imams du Jarh wa Ta'dil, ce sont parmi les plus grands imams, parmi les imams de l'islam. Et entre autres, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam al-Awza'i, tous ces imams, ça c'est des grands imams parmi les imams du Jarh wa Ta'dil, al-Sha'bi, et d'autres également. Et donc ces imams, ils connaissent les narrateurs, et quand ils voient par exemple quelqu'un qui rapporte un hadith, ils lui demandent, cite-moi l'isnad, cite-moi la chaîne de transmission de ce hadith. Et là, quand ils entendent la chaîne de transmission, un tel, ils entendent son nom, ils disent, lui, c'est un mubtadi', c'est un shi'i, lui, c'est un khariji, c'est un qadiri, ou un murji. Oui, ils savent. Donc, ils ne vont pas prendre de lui. Hein? Ou bien lui, un tel, hada kadhab. Ou hada, yani wadda', yani yakdhib ala al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ou hada munkar. Ou da'if al-hadith. Ou layin al-hadith. Ou si c'est un hafiz, ils vont dire hada thiqatun. Thiqa, hafiz. Hein? Donc, ils connaissent les rapporteurs de hadith. Ils savent leur degré. Ils savent leur, leur état et leur situation. Et donc, c'est comme ça qu'ils distinguent et ils ont rassemblé ces choses-là dans des livres qu'on appelle les livres de Jarh wa Ta'dil. D'accord? Donc, aujourd'hui, cette science-là, elle nous permet, à notre époque, de pouvoir justement aussi distinguer entre les gens qui appellent à l'islam ou qui font de la prêche et qui parlent au nom de l'islam, et distinguer ceux d'entre eux qui sont aptes à transmettre l'islam et qu'on peut prendre comme référence et ceux qu'on ne peut pas prendre comme référence. Oui, al-jarh, c'est yani, montrer, par exemple, les choses qui sont yani, des wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire, c'est des choses qui... Al-jarh, c'est la, comme on dit littéralement, si tu traduis, c'est la blessure. Hein? Mais ici, ça veut dire, yani, qu'est-ce qui rend la personne inapte à, disons, à ce qu'on prenne de lui les narrations. Et al-ta'dil, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un, il est adl, tu vas mentionner le fait que la personne, elle est fiable et honnête et qu'elle est apte à ce qu'on prenne de lui les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des jeunes aujourd'hui ou des groupes hein, parmi les gens des haddadis hein, ces gens-là dont on a parlé au dernier cours yani, ils critiquent les imams du Jarh wa Ta'dil en disant eux ils ne peuvent pas faire le tabdi'. Même parmi les ulama aujourd'hui qui, comme Cheikh Rabi' actuellement en réalité il fait partie des ulama qui yani, ont fait revivre cette science. Hein? C'est pour ça que Cheikh Al-Albani il a dit à propos de Cheikh Rabi' yani huwa hamilu liwa al-jarh wa al-ta'dil yani fi hadha az-zaman. C'est-à-dire c'est lui qui porte la bannière du jarh wa al-ta'dil à notre époque. À la kulli hal, oui. Oui, mais c'est ceux qui rejettent le hadith et en particulier Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. On appelle As-Sahihan. Ceux-là, yani, c'est des gens, les ulama, ils considèrent même que ce ne sont pas des musulmans. Si quelqu'un il rejette les hadiths authentiques, il n'est pas musulman. Parce que les hadiths d'Al-Bukhari, on dit qu'ils sont muttafaq alayh. C'est-à-dire, la Ummah, ils sont d'accord sur l'authenticité de ces hadiths-là. Donc, si quelqu'un rejette ou remet en question l'authenticité des hadiths d'Al-Bukhari, donc il y a un problème avec sa foi. Ah, mais ça, ce n'est pas des preuves. Et puis, de toute façon, ça, c'est des gens qui disent des choses comme ça. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Des gens qui disent des choses comme ça, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Salman al-Farisi, il était d'origine perse. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas l'arabe? Ils vivaient parmi les arabes purs. Hein? Donc, il comprend pas leur langue. Bien sûr qu'il comprend leur langue. Hein? Et la même chose pour Bilal. Et la même chose, Al-Habashi, il est éthiopien. Mais quoi? Parce qu'il est éthiopien, il ne comprend pas l'arabe? Non, ça ne veut rien dire. L'arabe, c'est une langue. Si tu l'apprends, tu peux la maîtriser. La plupart des plus grands savants de la langue arabe ne sont pas des arabes. Comme toi. Bon, moi, je ne suis pas un savant de la langue arabe, mais j'ai appris l'arabe. Et Sibawi, vous connaissez Sibawi? Toute la grammaire arabe, elle retourne à Sibawi. Sibawi, il est perse. Même le nom Sibawi, c'est un nom perse. Et plein d'autres. Regarde, l'imam al-Bukhari, c'est pas un arabe à l'origine. L'imam Muslim, c'est pas un arabe. L'imam Abu Daoud, c'est pas un arabe. Hein? Non, c'est pas vrai. Il y a eu des grands imams arabes aussi. L'imam Shafi'i, il est Mutallabi, il est de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, descendant de la famille du prophète. Et c'est un arabe. Il y en a beaucoup que ce n'était pas des Arabes, mais ce n'est pas vrai que les Arabes n'ont rien fait. Au contraire, il y en a. Et beaucoup de ces non-Arabes qui sont devenus des imams et des ulama, ils ont appris des Arabes. Beaucoup d'entre eux ont appris des Arabes. Et puis dans l'islam, il y en a comme le prophète, il dit, « La farqa bayna عربي وعجمي إلا بالتقوى. C'est la piété l'important. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc si c'est un arabe, alhamdulillah. Et si c'est pas un arabe, alhamdulillah. Donc c'est ça. Il dit, donc le cheikh, il dit, ces gens-là, ils disent que les imams du Jarh al-Ta'dil ne peuvent pas faire le tabdi', déclarer mubtadi' à quelqu'un, alors qu'eux, ils se permettent de le faire. Donc ça veut dire, c'est comme s'ils prétendent qu'ils sont meilleurs qu'eux. Exact. Donc ça, c'est grave. Et le cheikh, il dit ça, c'est une façon pour eux de dénigrer les gens du hadith et les imams du Jarh al-Ta'dil. Il n'y a pas donc de plus dangereux que ce manhaj. Et de plus mauvais que ce manhaj. Alors comprenez bien cela. Barakallahu fikum. Après le cheikh, il dit. Je regarde l'heure en même temps. Al-an yantashiru hadha al-madhhab fil-khafa wa fil-dhalam. Wa yanshurunahu bi-khubthin wa bi-kadhibin wa bi-iftira'in ala ahli al-ilm. Ana uharibu al-irja' mundhu nasha'at. Ou mundhu nasha'atu fil-ilm. إلى أن ألقى الله إن شاء الله عز وجل انظروا كتبي وأشرطتي لا يمر درس والله أعلم إلا وأحارب فيه المرجئة ثم يقولون ربيع المرجئ الكذابون هم أخص من المرجئة بمئات المرات وفيهم روافض وباطنية ولا أستبعد أبدا لا أستبعد أبدا لأن هذا الذي عنده شيء من السنة لا يتقحم هذه الجرائم يقول لك أنت تسب الله أنت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تقول الرسول تنازل عن رسالته كله كذب وفجور لا نظير له ما رأينا هذا في مذهب الخوارج ولا في مذهب الروافض. Donc ici le cheikh il mentionne des situations par rapport à ces haddadiyya dont on a parlé. Il dit ces gens-là ils propagent leur position en secret et dans la noirceur. Ils essaient de propager leurs mensonges et propager leur fabrication contre les ulama et contre les savants pour les dénigrer. Et le cheikh, il dit, regardez mes livres, regardez mes cours, mes enregistrements. Il dit, à chaque fois que je fais des durus, je combats les murji'a. Et je mets en garde contre les murji'a. Et il dit, et eux, ils osent me traiter de murji'. Il y a beaucoup de haddadi, vous les trouvez même ici à Montréal. Vous les trouvez même ici à Montréal. Et quand il parle de Cheikh Rabi, il dit, ah, Cheikh Rabi, c'est un murji'. Et ils disent, les madakhila, c'est des murji'a. Allah al-musta'an. Alors, tout ça pour dire, et le cheikh il dit, ce sont des menteurs. Ils sont même eux-mêmes pires que les murji'a, des centaines de fois pires qu'eux. Et il y a parmi eux des rawafid, et même des batiniya, des sectes, des khawarij, des shi'a batiniya. Il dit, je doute pas qu'il y ait parmi eux de ce genre-là. Parce que n'importe qui a un minimum de la sunna en lui, il ne va pas faire ce genre de crime. Et donc, ils disent même à propos du cheikh, tu insultes Allah, ou bien tu insultes le messager, ou bien tu dis le messager, c'est comme s'il a... Comment on faisait tanazal? C'est comme s'il dit, il a abandonné il a délaissé son message, ou sa prophétie. Ils veulent faire tomber le cheikh ou bien dénigrer le cheikh ou lui donner une mauvaise image devant les gens juste pour lui faire du tort. Parce que pourquoi ils disent ça? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a le cheikh il a expliqué que quand c'était al-Hudaybiyya et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit aux mouchriquins, ok, écrivez vos conditions. Eux, ils ont écrit. Et là, il y avait, je ne me rappelle plus c'était qui le script. Si c'était Ali radiallahu anhu qui écrivait. En tout cas, il a dit, Min Muhammad Rasulullah. Il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en premier. Ils ont dit, nous, on ne connaît pas ar-Rahman. Alors, il a dit, ok, écris Bismillah. Après, ils ont dit, min Muhammad Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, si on croyait que tu es Rasulallah, on ne t'aurait pas combattu. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ok, d'accord, écris min Muhammad ibn Abdillah. Il dit, Allah, il sait que je suis son messager, de toute façon. Et donc, il a dit, regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté de pas écrire qu'il était le messager d'Allah. Pas parce qu'il a... c'est pas tanazal an irrisala. C'est juste, il a accepté ça pour yani, pouvoir signer, pour faire l'entente avec les mouchriquines. Et eux, ils ont essayé d'interpréter ça comme si pour dire que Cheikh Rabi, il a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé son message, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des exemples comment ils mentent et comment ils disent n'importe quoi. Et le Cheikh, il dit, ça, c'est des gens, ils sont même plus mauvais que les Khawarij et les Rawafid. Donc ça, c'est voilà un exemple de qui on a affaire en réalité lorsqu'on traite avec cette catégorie de personnes. C'est des gens, ils n'ont pas de gêne, ils n'ont pas de honte, ils n'ont aucun respect, ni pour les ulama, ni pour l'islam, ni pour la sunna, ni pour rien du tout. Et c'est cette catégorie-là de gens à notre époque à qui on a affaire. Et comme le cheikh, il dit, je doute pas que ces gens-là, il y en a, c'est des infiltrés dans l'islam ou même dans la sunna. Et moi, je n'ai pas de doute aussi, même quand il y a des ulama qui ont dit ça, que parfois, il y a des koufars même qui vont payer des gens pour s'infiltrer parmi les musulmans, pour créer des fitnas et des zizanis entre les jeunes, entre les ulamas, pour diviser les musulmans. Et faire, hein? C'est ça, oui. Et parmi les chiites aussi, la même chose. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est des choses que je ne suis pas étonné du tout. Et quand j'ai observé, par exemple, dans certains pays, en particulier la France, beaucoup de gens, des jeunes qui arrivent avec des comportements étranges et des attitudes étranges et des idées étranges, et ils commencent à dire ça et propager ces choses-là entre les jeunes, d'une certaine façon, tu te demandes, mais d'où est-ce qu'ils viennent, ces gens-là? D'où est-ce qu'ils sortent? Hein? Ça se peut, oui, ça se peut. Mais ça se peut aussi que ces gens, ils sont payés, on les a demandé de s'infiltrer pour faire ça. Yani, Wallahu a'lam. C'est Allah qui, de toute façon, c'est Allah qui sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens. Mais c'est terrible de voir des choses comme ça. Il y en a parmi eux, oui, effectivement. Mais il y en a aussi qui disent, c'est, beaucoup d'entre ces gens-là, c'est des gens, c'est justement les koufars qui les financent et qui les aident. Parce que beaucoup d'entre eux, ils ont reçu des armes et de l'aide de qui? C'est qu'est-ce qui leur a donné toutes ces... Oui, d'où est-ce qu'ils les ont pris? Comment ils se sont organisés et l'aide qu'ils ont eue? Hein? Et dernièrement, j'ai vu quand ils ont réussi à écraser Daesh. Hein? Et qu'ils les ont écrasés complètement. Pourquoi ils les ont laissés s'enfuir par la suite? Pourquoi ils les ont pas attrapés, ceux qui ont fait toutes ces malheurs-là dans les pays musulmans? Pourquoi ils les ont laissés s'enfuir? C'est ça. Donc c'est exactement ça. Et donc c'est pour ça que il ne faut pas s'étonner si tu vois des gens qui ont des idées bizarres comme ça, que ce soit yani des gens qui, il y a des choses derrière que Allah il sait. Et comme يوم تبلى السرائر ما له من قوة ولا ناصر. Hein? Le jour où les choses seront dévoilées, les secrets seront dévoilés, là, moi je sais pas à quoi tu fais allusion, mais si tu connaissais Tariq Ramadan réellement, comment il était avant, il n'a jamais été sur le droit chemin. Ce gars-là, Tariq Ramadan, il n'a jamais appelé à l'islam authentique. Ce gars-là, il est le petit-fils de Hassan al-Banna. Et il a toujours propagé les idées et la mentalité et les idéologies du groupe des frères musulmans, depuis le début. Donc, et son frère, la même chose. Hani, c'est la même chose. Ces dix gens, ils connaissent même pas la signification de la ilaha illallah. Si tu lui demandes qu'est-ce que ça veut dire, il ne peut même pas l'expliquer. Et ces dix gens, si tu leur demandes qu'est-ce que c'est le shirk, il ne sait pas c'est quoi le shirk. Quand il fait des conférences sur l'islam, il parle du tawhid, il interprète le tawhid d'une façon, ça n'a rien à voir avec l'islam. Il dit, c'est la aqida des mutakallimoun, ahlul kalam, les philosophes. Lui, il enseigne un islam qui est basé sur la philosophie, pas qui est basé sur le Coran et la sunna. Et quand il parle, par exemple, de la ilaha illallah et du shirk, il dit, le shirk, ou les idoles à l'époque, ça c'était les idoles primitives. Quand les gens ils priaient à des statues, il dit, les nouvelles idoles, c'est Coca-Cola et... Yani, les beaux vêtements, les belles voitures. Et il dit, avant Ibrahim, alayhi salam, il cassait les idoles. Aujourd'hui, donc, il faut casser Coca-Cola, il faut casser les belles voitures, il faut casser les beaux vêtements. C'est ça le nouveau shirk. C'est ça le nouveau shirk. Yani, pour dire comment il déforme la réalité de l'enseignement même de l'islam et de la compréhension de la ilaha illallah. Il n'explique pas l'islam tel quel. Quand il parle du tawhid, pour lui, c'est seulement ithbat tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire affirmer l'existence de Dieu et que Dieu est unique. Mais par la suite, les autres aspects du tawhid, comme tawhid al-ibada, il n'en parle pas. La raison de ça, c'est parce qu'il sait très bien qu'en Égypte, d'où son grand-père venait, il y a des gens qui adorent des tombes et qui prient à des morts, mais il n'a jamais condamné ça. Et il fait les éloges des Rafida et de l'Iran, et il ne dit que du bien de l'Iran, il glorifie l'Iran. Parce qu'ils disent, ça c'est, ils ont établi la démocratie, il y a la liberté, blablabla. Parce qu'il est proche de l'Iran. Et il n'a que des condamnations et de la critique contre l'Arabie Saoudite. Alors que l'Arabie Saoudite, pendant longtemps, il recevait de l'argent. Pas seulement lui, même son père, Saïd Ramadan. Donc, tout ça pour dire, il n'a jamais été sur la compréhension authentique de l'islam. Il a beaucoup de bid'a, beaucoup d'égarements dans sa compréhension de l'islam. Et qu'est-ce qu'il a les gens qui étaient avec lui, les Ikhwan qui étaient avec lui, qui le supportaient, qui le défendaient auparavant, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ils ne l'avaient jamais critiqué, ils ne l'avaient jamais condamné, alors qu'il disait des choses graves contre l'islam. Il disait que le hijab, ça ne faisait pas partie de l'islam. Il disait que, en tout cas, il rejette, il dit qu'il n'y a pas de peine d'apostasie dans l'islam. Des choses qui sont claires dans le Coran et dans la Sunna, il les rejette. Et ces gens-là le défendaient malgré tout. Ça veut dire qu'avec les Ikhwan, peu importe qu'est-ce que tu dis, peu importe qu'est-ce que tu fais qui est contraire à l'islam, du moment que tu es avec la Jama'a, ils ne vont pas te critiquer, ils ne vont pas te condamner, ils ne vont pas te rejeter. Mais là, après, qu'est-ce qu'il a fait? Personne ne peut être d'accord avec ce qu'il a admis, ce qu'il a avoué, soi-disant. Et là, ils ont commencé à se désavouer de lui. Pour un péché, ils ont dit qu'il a commis ce péché-là, ou qu'il a admis qu'il a commis ce péché-là. Alors que ce péché-là, si tu compares avec la gravité de ses positions et de sa compréhension de l'islam, c'est beaucoup plus grave que ce de quoi il a fait comme péché. Et c'est maintenant qu'ils l'ont abandonné à cause de ça. Et ils ont raison de l'abandonner pour ça, mais ils auraient dû l'abandonner depuis longtemps. Surtout quand... Yani, comme on dit, il n'y a rien qui arrive pour rien. Allah, il a une sagesse dans toutes choses. Mais il n'y a pas de doute que qu'est-ce qui est triste et qu'est-ce qui est dommage. Hein? Et ça, je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est que des gens n'ont jamais condamné ces erreurs et ces égarements dans la Aqida et dans l'islam, dans sa compréhension de l'islam, et qu'après toutes ces années, parce que moi j'avais écrit plusieurs textes que j'ai mis sur mon site internet sur les égarements de Tariq Ramadan, sur plusieurs aspects justement des fondements de la Aqida, et j'avais pas mentionné rien de qu'est-ce que les gens pouvaient mentionner comme accusation sur son comportement ou sur sa morale. Pourquoi? Parce que je voulais me concentrer sur les bases et sur les choses plus fondamentales. Hein? Et eux, ils n'ont rien tenu compte de ça. Ils n'ont rien tenu compte de ça. Mais alhamdoulilah, il y a des gens qui ont commencé à se réveiller et qui ont commencé à analyser. Parce que moi, j'ai écouté toutes ces conférences, une après l'autre, et j'analyse chaque élément et chaque point que j'ai critiqué avec la référence audio, et j'ai retranscrit chaque citation avec les références de chaque citation, et j'ai mentionné les erreurs qu'il y avait dedans avec les paroles des ulama qui ont réfuté ces éléments-là. Et ça, j'étais juste au début. Ça veut dire que je n'ai même pas continué parce que je n'ai pas vu l'intérêt d'aller plus loin, puisque qu'est-ce que j'avais déjà mentionné, c'était suffisant et assez clair. Mais si j'étais rentré dans d'autres problèmes, ça allait être encore plus long et plus grave encore. Dans une des conférences qu'il avait faites, il a dit, est-ce que ça c'est normal que lorsque certains frères, tu vas chez eux et ils t'invitent, alors que tu travailles avec eux dans la da'wah, et ils ne te laissent pas voir sa femme? Il dit, on travaille ensemble pendant des années, et tu ne me laisses pas voir ta femme, tu n'as pas confiance en moi. Moi, j'ai entendu ça, j'ai dit, mais pourquoi tu veux voir sa femme? Hein? De quel rapport tu vas aller demander à... Et là, il essaie de justifier sa position en ramenant un hadith où soi-disant Abu Bakr, radiyallahu anhu, il était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis il y avait soi-disant des femmes présentes. Et il ramène ça pour essayer de dire, ça c'est la preuve qu'on ne devrait pas empêcher de voir la femme des gens. Alors que peut-être que ça c'était un hadith qui mentionne quelque chose qui était avant la révélation du hijab et qui n'avait aucun rapport avec le hijab déjà en partant. Mais c'est juste pour voir comment les gens, ils jettent des shubuhat et ils utilisent qu'est-ce qu'on appelle le mutashabihat, et ils laissent les muhkamat, les choses qui sont claires. En tout cas, nasallallahu al-afiyata wa salam. La popularité, c'est un monstre. Et plus tu le nourris, plus qu'il veut manger. C'est pour cette raison qu'il faut toujours faire attention à ceux qui recherchent la popularité et la célébrité, parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. Celui qui veut devenir une vedette là, eh bien, Allah, bien souvent Allah, il va l'humilier. Ou bien ça devient une fitna pour lui, parce qu'il ne peut pas le supporter. C'est un monstre. Si tu le nourris, plus tu lui donnes, plus qu'il veut manger. Ça veut dire qu'à la fin, tu ne vas plus être capable de le nourrir. Et ça va être la fin de ta foi aussi. Combien de gens aujourd'hui, ils s'exposent sur YouTube ou sur vidéo, ils mettent leur face, hein, pour prêcher l'islam. Et à la fin, est-ce que ça devient une fitna pour eux? Ça devient une fitna pour eux parce qu'après, ils deviennent des vedettes. Et les gens, ils commencent à parler d'eux parce qu'ils veulent la popularité. Et ça, ça vient affecter leur ikhlas. Ça vient affecter leur sincérité. Tandis que lorsque tu vois les ulama de l'islam, lorsqu'on les filme, ils ne regardent même pas la caméra. Ils ne parlent pas à la caméra, ils parlent avec quelqu'un qui lui pose des questions et ils répondent. Mais eux, c'est des acteurs, soi-disant. Ils font la prêche de l'islam, mais ils sont des acteurs. Ils parlent avec la caméra, ils regardent la caméra, ils jouent pour la caméra, comme s'ils sont en train de faire un rôle. Ce n'est pas des gens qui sont naturels. Les ulama, ils ne font pas ça. Regardez Cheikh Al-Fawzan, regardez Cheikh Ibn Uthaymin, regardez Cheikh Al-Albani. Regardez ces gens-là, ils savent même pas que la caméra est là, ils ne veulent même pas la regarder. Cheikh Ibn Baz, il se faisait filmer, il ne savait même pas. Premièrement, il est aveugle, il ne voit même pas. Donc, il ne sait même pas s'il y a une caméra qui le regarde. Et quand il ne parle pas pour se faire voir ou se faire entendre. Il parle pour plaire à Allah. Et il dit, « Qala Allah, qala Rasulullah » et c'est tout. Ce n'est pas ce que les gens veulent entendre. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils prêchent l'islam pour dire aux gens ce que les gens veulent entendre ou qu'est-ce que les gens pensent pour les satisfaire. Ou bien pour dire qu'est-ce que l'opinion publique ou qu'est-ce qui est politiquement correct. Mais le prêcheur qui prêche pour Allah et qui appelle à Allah, il ne pense pas à ces choses-là. Il dit, qu'est-ce que Allah lui a ordonné? Et comme Allah dit dans le Coran au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ya ayyuhan nabiyu, balligh ma unzila ilayka min rabbik. » Ô toi, le prophète, transmets ce qui a été révélé de ta part de ton Seigneur. C'est tout. Il ne lui a pas dit... Transmets ta propre idée ou ta propre philosophie. Et les mouchriquins ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, et Allah azza wa jalla, il mentionne ça dans le Coran. Il dit, change le Coran. Les mouchriquins ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, amène un autre Coran que celui-là ou bien change-le. Et Allah azza wa jalla dit, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. C'est-à-dire, il ne m'appartient pas de le changer de moi-même. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Et je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Donc ça veut dire que ce n'est pas le prêcheur qui appelle à Allah. Il ne doit pas prêcher pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils veulent entendre, ou qu'est-ce qui est politiquement correct, ou qu'est-ce que l'opinion publique accepte ou aime. Que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, ça m'est égal. Je ne sais pas d'acheter votre face. J'essaie juste de dire et de transmettre le message d'Allah de la meilleure façon possible. Et ça s'arrête là. Ceux qui sont satisfaits, tant mieux. Et ceux qui ne sont pas satisfaits, tant pis. Au jour de la résurrection, ce sera chacun pour soi. Nafsi, nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin wa adhill al-shirk wa al-mushrikin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم السلام عليكم